Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 4 mai 2022. Voici les grands titres de cette grande édition. Les prix du ticket de transport en commun viennent d'être revus à la hausse, tant en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les précisions de la ministre du Commerce dès le début de ce journal. La Banque centrale du Burundi déclare avoir consenti 500 milliards de francs burundais destinés au refinancement des établissements financiers en vue d'accompagner les opérateurs économiques. Déclaration du gouverneur de la BRB ce mercredi lors d'une séance d'évaluation de la mise en œuvre des nouvelles mesures de politique monétaire. Et dans la chronique sur les messages de haine, vous en saurez davantage sur les conséquences des préjugés et stéréotypes culturels entre les membres d'une communauté. À l'actualité internationale, alors que leur naissance fut une première mondiale au point que certains ont cru à un canular, les non-nuplés du Mali fêtent leur premier anniversaire ce mercredi 4 mai. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Les prix du ticket de transport en commun viennent d'être revus à la hausse, tant en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Et une révision faite par le ministère du Commerce. Le prix de transport par bus est fixé entre 550 et 1000 francs burundais à mairie de Bujumbura, comme l'annonce Marie-Chantal Nijimbere, ministre de la Commerce. On écoute. Le ministère ayant le transport et le commerce dans ses attributions vient de réviser les prix du ticket du transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Tenant compte de l'intérêt général de toutes les parties prenantes, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme revoit à la hausse le prix du ticket du transport tant en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Le prix de transport par bus en mairie de Bujumbura est fixé à 550 francs bourg. Le prix de transport par bus dans les quartiers périphériques sont fixés de la manière suivante. Centre-ville Milango, 600 francs bourg. Centre-ville Uterere, 700 francs bourg. Centre-ville Charama, 700 francs bourg. Centre-ville Kilili, 650 francs bourg. Centre-ville Ludziva, 900 francs bourg. Centre-ville Maramvia, 1000 francs bourg. Centre-ville Kamesa, 750 francs bourg. Centre-ville Lubilidi, 950 francs bourg. Centre-ville Wusigo, 1000 francs bourg. Et centre-ville Gatumba, 1000 francs bourg. Et à l'intérieur du pays, les prix du ticket sont libérés, comme le détaille encore une fois la ministre en charge du transport. Les prix de transport à l'intérieur du pays sont fixés comme suit. Bujumbura Gitega, 8000 francs bourg. Bujumbura Ubanza, 4000 francs bourg. Bujumbura Buganda, 4000 francs bourg. Bujumbura Bugarama, 3500 francs bourg. Bujumbura Bukeye, 5000 francs bourg. Bujumbura Bukirasadi, 11000 francs bourg. Bujumbura Buraza, 12500 francs bourg. Bujumbura Bururi, 8000 francs bourg. Bujumbura Chamujo, 16000 francs bourg. Bujumbura Gihanga, 3000 francs bourg. Bujumbura Gishubi, 11000 francs bourg. Bujumbura Gitaza, 2500 francs bourg. Bujumbura Ijenda, 4500 francs bourg. Bujumbura Kayanza, 8000 francs bourg. Bujumbura Kibumbu, 7500 francs bourg. Bujumbura Kiremba Sud, 9500 francs bourg. Bujumbura Kirundo, 13500 francs bourg. Bujumbura Kivuruga, 11000 francs bourg. Bujumbura Mabanda, 11000 francs bourg. Bujumbura Mabayi, 8000 francs bourg. Bujumbura Magara, 4000 francs bourg. Bujumbura Makamba, 12500 francs bourg. Bujumbura Matana, 8000 francs bourg. Bujumbura Minago, 4500 francs bourg. Bujumbura Mugamba, 6500 francs bourg. Bujumbura Muramvya, 5000 francs bourg. Bujumbura Musenyi, 3000 francs bourg. Bujumbura Masanganzira, 12000 francs bourg. Bujumbura Muyinga, 13500 francs bourg. Bujumbura Muzinda, 2000 francs bourg. Bujumbura Mwaro, 6500 francs bourg. Bujumbura Ngodi, 9500 francs bourg. Bujumbura Nyanzarak, 9500 francs bourg. Bujumbura Nyeshenza, 7000 francs bourg. Bujumbura Rugombo, 6000 francs bourg. Bujumbura Rumonge, 6000 francs bourg. Bujumbura Rutana, 11000 francs bourg. Bujumbura Ruigi, 14000 francs bourg. Gitega Karusi, 6500 francs bourg. Gitega Rutana, 6500 francs bourg. Gitega Ruigi, 6500 francs bourg. L'administration publique et les services de la sécurité routière sont priés de nous prêter main forte pour le respect des présents prix du ticket de transport sur le territoire national. C'était la ministre en charge du commerce et du transport, Marie-Chantal Nijimbere. La Banque centrale de la République du Burundi, la BRB, a rendu souple la politique monétaire en vue d'accompagner les opérateurs économiques. Déclaration du gouverneur de la BRB ce mercredi lors d'une séance d'évaluation de la mise en œuvre des nouvelles mesures de politique monétaire pour le refinancement des secteurs porteurs de croissance, dont l'agriculture. Tisagent précise que depuis mai 2019, un montant de plus de 500 milliards de francs burundais a été destiné pour au refinancement des établissements financiers. Toutefois, Tisagent reconnaît que le chemin est encore loin pour la relance de l'économie. On l'écoute. Compte tenu des changements inattendus de la situation économique nationale, influencés principalement par l'évolution défavorable de la conjoncture économique et financière internationale, des ajustements de la politique économique ont été opérés et la Banque de la République du Burundi a dû rendre plus souple la politique monétaire en vue d'accompagner les opérateurs économiques. Depuis la seconde moitié de l'année 2019, la Banque centrale a pris de nouvelles orientations et mesures de politique monétaire pour soutenir le financement des secteurs porteurs de croissance à travers des conditions assouplies pour le refinancement des établissements de crédit et des institutions de microfinance. La présente séance offre alors une occasion pour passer en revue les réalisations dans le cadre de ces nouvelles orientations de politique, les contraintes rencontrées et les solutions appropriées devant permettre de continuer sur la même lancée en calibrant la stabilité des prix, la stabilité du système financier et le développement harmonieux de l'économie. Depuis l'année 2019, qui correspond à la mise en œuvre de nouvelles mesures de politique monétaire en faveur du financement des secteurs porteurs de croissance, nous sommes déjà satisfaits des résultats atteints en matière de refinancement, bien que le chemin soit encore long. Dis-moi si on pense aux besoins de financement de l'économie dans le cadre de la relance économique dans notre pays. Sur un montant global de 528 milliards 700 millions de francs burundis, exprimé comme demande de refinancement par les établissements de crédit et les institutions de microfinance, jusqu'au mois de février 2022, la Banque de la République du Burundi a déjà débloqué à cette période un montant de 415 milliards 200 millions, soit 78,5%. La Banque centrale reste engagée dans la vision de modernisation du cadre de politique monétaire, conformément aux recommandations du Comité des affaires monétaires de l'EAC et des initiatives et perspectives d'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. C'est pour cette raison que, depuis quelques années, la Banque de la République du Burundi a enclenché le processus de modernisation de la politique monétaire qui vise à l'adoption d'un cadre de politique monétaire basé sur le ciblage d'inflation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Des crépines sont installées dans certains caniveaux comme celui se trouvant sur la première avenue de la zone Giza en mairie de Bujumbura, ce qui facilite la propreté comme le reconnaissent les habitants de cette localité. Par contre, la situation n'est pas la même dans le caniveau se trouvant sur la 8e avenue de la même zone. Ceux qui y travaillent demandent aux propriétaires de parcelles d'y mettre aussi des crépines. Jean-Claude Nzambimana, reportage. Dans le caniveau se trouve à l'avenue numéro 1 de la zone Giza, s'observent des crépines qui limitent les ordures transportées par les ondes de la proie. Les crépines ont été mises en place en fonction de la dimension de la parcelle. Les habitants de cette localité indiquent que ces crépines facilitent la propreté car chacun s'occupe de la partie qui la concerne. Ça permet également de limiter les ordures qui se jettent dans le lac Tanganyika. La situation n'est pas la même à l'avenue numéro 8 de la même zone. Dans le caniveau se trouva sur cette avenue, il n'y a pas de crépines et cela provoque des difficultés de propriété sur ce caniveau, précisément à l'endroit bas. Ceux qui travaillent disent qu'ils essaient d'enlever chaque fois les immondices en provenance des autres avenues et demandent aux propriétaires des parcelles de mettre en place des crépines sur cette avenue. Les immondices qui s'observent dans certains caniveaux sont constitués en grande partie par des bouteilles en plastique de différents types de jus. C'était un reportage de Jean-Claude Nzambemana, stagiaire à notre station. Nouvelle de Provence à présent, le réaménagement de la toiture du marché central de Lomongué et son branchement à une ligne électrique, tel qu'annoncé récemment par le gouverneur de Lomongué, est un bon projet s'il est réalisé en préservant les intérêts des commerçants. Certains commerçants de ce marché qui le disent voudraient cependant être éclairés sur le type de contrat qui fera objet de réanalyse avant le début de l'exécution de ce projet. Jean-Pierre Misago. Twe mugambi nawakiriye neza kuko yiterambere rije nta muntu ashobora kurisubiza inyuma. Certains parmi les commerçants du marché central de Lomongué qui se sont exprimés disent être favorables à ce réaménagement de la toiture de ce marché. Ils indiquent que ce marché n'est pas moderne comparativement à d'autres marchés et ils ne peuvent pas s'opposer à la modernité. L'alimentation de ce marché en courant électrique est également souhaitée, mais ces commerçants exigent que ce travail soit confié à des ingénieurs aguerris pour prévenir des incendies. Le point qui reste encore obscur concerne la réanalyse des contrats qui lient ces commerçants avec la commune Lomongué, des contrats de deux sortes. Un point qui reste à clarifier selon ce commerçant. Dans ce projet de réaménagement de la toiture du marché central de Lomongué, annoncé par le gouverneur de Lomongué lors de la récente réunion avec les natifs de cette province, les commerçants demandent que leurs intérêts soient protégés. Jean-Pierre Misago, depuis Lomongué, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Cap maintenant sur Ngozi. Les cultivateurs de canne à sucre de la commune gachikanoise de la province Ngozi réclament l'implication des bienfaiteurs pour la transformation de cette plante très cultivée ces années-ci dans cette commune en jus ou en sucre. L'administrateur de cette commune indique que le programme Twité Zimbéré avait entamé des études relatives. Théophile Nibizi tranquillise que la commune compte contacter ses partenaires pour finaliser ce projet afin que la canne à sucre soit très bénéfique aux agriculteurs comme à la commune. Apollinaire Monzagara. Bon nombre de collines de la commune gachikanoise comme le Hengeri, Tanga et autres s'attellent actuellement à la culture de la canne à sucre depuis plus de 5 ans jusqu'à ce que les cultures vivrières semblent être mises de côté. Les agriculteurs affirment que cette culture leur procure beaucoup d'argent pendant la saison de récolte comparativement à ces cultures vivrières. Ils s'achètent tout ce dont ils ont besoin jusqu'à se construire même des maisons en tôle pour ceux en possession de vastes propriétés foncières. Certains commencent à s'associer pour cultiver la canne à sucre. Il y en a même, selon eux, ceux qui commercialisent ce produit dans d'autres provinces du Nord et même de l'Est. Ces cultivateurs de canne à sucre souhaiteraient des bienfaiteurs pour la mise en place d'une unité de transformation de cette culture en jus ou en sucre pour plus de profit. L'administrateur de la commune gachikanoise révèle que des études avaient été entamées par Twité Zimbéré, mais que son projet s'est clôturé avant sa finition. Théophile Nibizi envisage contacter les partenaires de la commune pour la poursuite de son projet afin que la population et la commune puissent en tirer davantage profit. Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Dans l'actualité sous-régionale, plus de 47 candidats sont attendus aux élections présidentielles du mois d'août au Kenya pour succéder au président Uhuru Kenyatta. Selon le registraire des partis politiques au Kenya, le nombre de candidats a augmenté comparativement aux années antérieures. Anne Nderitu explique cette augmentation par la prise de conscience politique. C'est un reportage de notre confrère kenyan Edgar Wabgire, lu par Vestine Botoy. À 3 mois des élections générales au Kenya, plus de 47 candidats combattent pour le poste de la présidence pour succéder au président Uhuru Kenyatta, qui quittera ses fonctions en août de cette année. Selon le registraire des partis politiques au Kenya, Anne Nderitu, il y a une augmentation du nombre total des candidats individuels aux élections de cette année, avec 7111 candidats qui devraient se présenter aux élections d'ici le 9 août. Nderitu attribue cette augmentation à une prise de conscience politique parmi les candidats par rapport aux élections de 2017. Selon lui, les candidats ont été suffisamment sensibilisés. La plupart d'entre eux n'ont pas participé aux primaires du parti et ont commencé à soumettre leur candidature avant les primaires. Alors que certains des candidats indépendants étaient d'anciens membres des partis politiques qui ont échoué à l'investiture, les partis ont intensifié leurs efforts pour s'assurer que les titulaires ne menacent pas les fondations de leurs partisans. Jamia Kioni, secrétaire général du Jubilé, déclare ne pas permettre aux candidats indépendants d'influencer leurs partisans, puisque ces candidats se sont rebellés contre la gestion des partis politiques dans le pays. Les candidats à la présidence ainsi que les porte-drapeaux présentés par divers partis politiques, s'ils sont approuvés par la Commission électorale indépendante et des frontières, IEBC en sigle, formeront le plus long bulletin de vote jamais tenu depuis les élections multipartites de 1992. Parmi ces 1111 candidats, 104 sont candidats au poste de gouverneur et 141 au Sénat. 110 autres se présenteront pour la représentation des femmes et 944 solliciteront des sièges parlementaires. Le nombre de candidats au siège de représentants des quartiers pour les bulletins gratuits est de 5765. Vestine Boutoui dans le reste de l'actualité internationale avant la chronique sur les messages de haine. Alors que leur naissance fut une première mondiale au point que certains ont cru un canular, les non-nuplés du Mali fêtent leur premier anniversaire ce mercredi 4 mai. Les bébés nationaux du Mali, 5 filles et 4 garçons, sont nés d'une même grossesse par césarienne le 4 mai 2021 à Casablanca au Maroc, dans une clinique privée. Une grossesse hors norme à très haut risque pour la santé de Halima Cissé de Tombouctou, comme pour celle des premières fois. Toute la famille est au complet car le couple, avant cette naissance exceptionnelle, avait déjà une petite fille, Souda, restée à Tombouctou pendant que sa maman, Halima Cissé, était transférée d'abord à Bamako puis à Casablanca. Âgée de 3 ans, Souda a voyagé ce mardi 3 mai en provenance du Mali avec son père Abdelkader Harbi. Et a rencontré à Casablanca pour la première fois ses 9 frères et sœurs. Le père des non-nuplés, militaire de carrière, prévoit de séjourner plusieurs semaines à Casablanca avant de retourner travailler au Mali. La famille des non-nuplés se projette vers un retour au Mali, sans date arrêtée pour le moment. Et des militants islamistes radicaux Chebab, lourdement armés, ont attaqué mardi une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, faisant des victimes. Des informations obtenues auprès d'un commandant militaire local et de témoins, puis relayées par RFI, font état d'une attaque conduite avant l'aube sur une base abritant des soldats burundais de la Tmis, près du village d'El Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio. Les autorités somaliennes n'ont pas encore réagi officiellement et aucun bilan n'a été communiqué par la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Aucune information ne filtre non plus du côté de la force de défense nationale burundaise. Rappelons que ATMIS, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus de pays africains, a formellement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie à Amisom avec un mandat prolongé fin mars par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection islamiste Chebab. Parle, rassure-moi. Les préjugés et stéréotypes culturels entre les membres d'une communauté quelconque, comme celle de la communauté de l'Afrique de l'Est, freinent l'intégration régionale active. Maître Artemondo Imana, spécialiste en droit commercial, estime que l'une des raisons est le manque de séances de formation et de sensibilisation en rapport avec les différentes cultures de ces pays, ce qui entraîne des discriminations. On l'écoute. Les stéréotypes peuvent freiner ou ralentir l'intégration régionale. Les stéréotypes étant des croyances que notre communauté entretient vis-à-vis d'autres membres de la communauté est-africaine, reposant sur une généralisation et sans fondement scientifique. Ces stéréotypes empêchent de découvrir l'autre et sont à la base des préjugés. Ces stéréotypes peuvent également installer l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme s'installe lorsqu'une communauté a tendance à croire et à qualifier que sa culture est supérieure aux autres, l'empêchant à l'apprentissage avec tendance de rejeter ce qui n'appartient pas à sa propre culture. Les stéréotypes pouvant handicaper l'intégration régionale de la communauté est-africaine sont principalement les stéréotypes culturels et linguistiques. La communauté est-africaine étant composée par une grande variété de cultures, ces cultures peuvent être soit en conflit ou bien même en contradiction. Pour arrêter ou diminuer la conception sociale de ces stéréotypes, le gouvernement, les médias et les autres intervenants dans le domaine d'intégration régionale doivent multiplier les efforts d'Alobi d'éliminer les barrières non tarifaires indirectes, en accélérant l'harmonisation des programmes d'enseignement, en intensifiant les échanges culturels et sportifs, en multipliant des formations et des sensibilisations sur la culture est-africaine, toujours dans le souci de créer une culture est-africaine commune. Il est 13h15 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Nelly Kwihangana sous le contrôle d'Alphonse Kougimana. Merci à tous les deux au micro. Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.